Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Alors donc je te raconte l'histoire. Il y a pas longtemps, donc, je suis passé voir une amie dans le coin. Métro Saint-Pons, je peux le dire. Donc je sors du métro et en sortant du métro, je fais putain, je me souviens plus ou moins du supermarché U là, qui est là. Et je me dis, je sais exactement où je suis. Pourquoi ? Donc en fait, je repasse par la rue qui est là et du coup, je me dis, ah putain, ouais, je sais pourquoi, j'ai une ex qui habite là. Et je me dis, bah ouais, c'est peut-être une histoire à raconter. Donc il y a quelques années, je suis sorti avec une fille que j'ai rencontrée via une application de rencontre et tout, ça s'est bien passé. On a été voir un film au cinéma, c'était pas le meilleur film du monde. Enfin, c'était pas le film de rencontre, c'est pas le genre de film que tu vas voir et tu dis ah. Film de meurtre, oui, serial killer. C'était limite, non mais c'était limite le truc où tu sors après le ciné, tu dis ah, c'est pas quel le mauvais choix. C'est pas un très bon choix. Et on décide d'aller boire un verre, on boit un verre et tout. La soirée se passe bien. En fait, voilà, on n'avait pas encore décidé ce qui allait se passer, mais en fait, la soirée se passe bien et tout. Et donc, on commence à sortir ensemble dès ce soir-là. Et du coup, je vais la faire un peu rapide. Hein. Je me souviens exactement où a eu lieu le premier baiser. Du coup, c'était l'avenue de l'Opéra. On était remonté petit à petit à pied. Et en fait, au départ, on ne devait pas rentrer chez elle. Je devais l'accompagner jusqu'à tel métro et me dire, bah, après, je peux reprendre le métro et rentrer chez moi. Bon, la soirée est dans. On commence à marcher et puis on s'embrasse et puis voilà, bref. Et se passe plusieurs mois où ça se passe très très bien. Et à un moment, elle déménage. Elle déménage de là où elle était pour habiter, donc dans cette rue-là. Et où nous sommes maintenant. Là où nous sommes maintenant, exactement. Très bien. Dans la rue où nous sommes. Stalker. Et exactement là, exactement là. Et du coup, je me souviens, le jour du déménagement, en fait, elle avait demandé à des amis de l'aider à déménager. Et la question, c'était de savoir si je l'aidais à déménager chez elle ou s'il l'attendait ici. Donc elle me dit non, viens là et tout, nous on est en train de charger la voiture, t'inquiète pas et tout, on arrive. Donc bon, ils sont arrivés presque une heure après, je suis allé te poser dans le parc et tout, il y a un parc derrière là. Et du coup, je l'attends et bon, la soirée, enfin l'après-midi de déménagement se passe pas trop mal, mais je connaissais pas trop ses amis. Et donc je fais connaissance avec ses amis pendant le déménagement et tout, bon ça se passe pas trop mal et tout. Et ce jour-là, elle avait un déplacement professionnel. Donc, le jour de son déménagement. Le jour du déménagement, elle avait vraiment tout géré pour pouvoir gérer le truc. Donc, elle devait partir le soir même. Et du coup, moi, je l'aide à déménager. Et une fois qu'on a tout débarrassé, je lui dis, non, c'est bon, je ne vais pas te déranger plus. Enfin, te prends pas la tête et tout. Tu as plein de trucs à gérer. Finis de ranger ce que tu as rangé et on se verra après ton déménagement. Donc, ton déplacement. Ce déplacement se fait et genre, c'était quoi, 4 ou 5 jours après, on se retrouve chez elle et tout, on se retrouve le soir. Attends une seconde. Et du coup, ce soir-là, la soirée, elle se passe, mais je sens qu'il y a un truc. Je sais pas pourquoi, en fait, je sens qu'il y a une petite distance pour la soirée et tout, je fais « Ah, c'est pas bon ». Tout ça à cause de ce film. Ouais, tout ça à cause de ce film. En plus, non, mais c'était passé plusieurs mois où ça se passait pas trop mal et tout. On était dans un début de relation et il n'y avait pas de panique à avoir et tout. Et donc, la soirée se passe pas trop mal et tout. Et donc, pourquoi on est là? Parce que donc, du coup, je l'ai embrassé dans son appartement, que je n'aurais vu qu'une fois, en fait, réellement. Enfin, deux fois, si on parle du déménagement. Parce que donc, la soirée se passe pas trop mal. Mais à un moment, on est en train de parler de choses et d'autres, genre un peu de politique et tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas française et tout. Et à un moment, on parle de la politique de la France. Et en fait, on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais rien de grave. En fait, il y a une sorte d'embrouille entre nous sur le sujet et moi je sais pas si je donne l'impression de genre de dire moi je m'y connais mieux parce que je suis français ou quoi que ce soit, mais bon bref, il y a une petite embrouille qui se crée, on s'engueule pas mais petite tension et donc on va se coucher un peu fâché et tout et pour rentrer dans les détails, ce soir là il se passe rien. Ok. Mais je m'inquiète pas plus que ça et tout. Et le lendemain matin, je me réveille, elle se réveille aussi en même temps, et c'est pour ça que je raconte cette histoire. Je lui demande si ça va, elle me dit oui. Je leur demande instantanément, je fais « t'es sûr ?» Et là, elle me fond en larmes. Elle me fait « non, en fait, c'est trop dur, je comprends pas, je pense que je vais pas arriver dans cette relation. » Et je la vois décomposer, et moi, je suis au réveil, Donc je viens de lui poser juste « ça va » deux fois. Et elle est en train de m'expliquer, qu'on rend compte que non, cette relation est trop compliquée pour elle, qu'elle va pas tenir, tout machin et tout. Et je fais ok, ok, pas de problème et tout. J'essaye même pas d'insister en fait, j'essaye même pas de dire non, mais viens, on va se poser ou quoi que ce soit. Je fais bah écoute, si c'est trop dur pour toi, ok, bah on arrête et tout. Mais elle se décompose vraiment. Et plus je lui dis non, mais c'est bon, on arrête, et plus en fin de compte, elle essaye de m'expliquer à quel point en fait, elle est mal et tout. Et je l'entends, mais en même temps. il faut savoir que donc c'est le réveil, je viens de me lever, je suis en caleçon chez elle, dans son lit, elle est en train de rompre, et je me dis juste bon, comment je me sors de là en fait, comment je fais en fait, comment tu pars dignement après ça en fait, tu viens de te faire plaquer au réveil dans le lit de la personne, ouais. Et en fait tu dis juste bon bah ok c'est bon, je m'en vais et tout, mais moi je suis resté un certain temps en me demandant quel est le temps acceptable pour remettre ton fut. Pour remettre ton fut. C'est ça. Est-ce que tu le mets dans le couloir ou... et donc je suis là et tout. Et en même temps, je voulais pas faire genre non, mais je m'en fiche de ce qui t'arrive et tout parce que je veux. Mais en fait, elle est en train de rompre avec moi. Je sais pas trop si je dois la réconforter par rapport à ça. Moi, je suis aussi en train de me dire qui me réconforte par rapport à ce truc là, j'en sais pas. Et ouais, vraiment, avec la vulnérabilité du mec en caleçon dans un lit. Et je me dis, bon, bah ouais, mais à un moment, je vais dire, ouais, c'est bon, je m'en vais et tout, et je vais juste être au caleçon et je vais perdre toute crédibilité. Donc, il s'est passé quoi ? Presque 15-20 minutes comme ça, tu vois ? Ok. 15-20 minutes, et à un moment, je fais, bon, bah je crois que je vais y aller. Elle fait, non, mais tu veux prendre une douche, si tu veux. Et là, je lui dis, non, je crois pas en fait. Vraiment, je ne pense pas. Je vais vraiment y aller là. Voilà, parce qu'en fait, je me disais, je vais faire quoi ? Je vais prendre ma douche et après, je vais revenir. Genre, bon, ben, on en discute maintenant qu'on a fini. Enfin, j'ai pris ma douche et tout. Et donc, ouais, je crois que c'est la dernière fois qu'on s'est vu d'ailleurs. Et ouais, je suis parti de chez elle. Je suis sorti de cet appartement. Et comme dans beaucoup de ruptures, quand tu quittes l'appartement de la personne, en fait, tu sors de l'immeuble et en fait, je regarde à gauche, à droite et je fais, bon, ben. C'est la dernière fois, quoi. Je fais quoi là ? Bon, ben, je vais aller par là. C'est mon métro et là, je rentre, quoi. Et donc voilà, je voulais raconter cette histoire de la vulnérabilité de quand t'es en caleçon, quand tu viens de te faire plaquer, et que la veille encore, tu te disais, ah, il y a peut-être il y a un petit malaise, mais voilà. Et puis c'est pareil, c'est qu'effectivement, quand on s'est embrassé, à un moment, je me suis dit, ah, c'est pas comme d'habitude. Et j'en ai parlé avec beaucoup de gens, et il y a toujours ce truc de, ouais, le baiser que tu sens pas comme d'habitude, ouais. qui est pas pareil, qui est un peu distant. Et je pense que, ouais, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est pas grave et tout. C'est peut-être mon imagination, c'est peut-être qu'une seule fois et tout. Et en fait, non, avec le recul, je fais bah non, mais il était annonciateur de quelque chose quoi. Et vraiment, le double ça va ? Ouais, ça va. T'es sûr ? Non, en fait, ça va pas et tout. Il a été assez violent quoi. Okay. Enfin, bref, mais bon, après, c'est des ruptures, ça arrive. Hein. Donc voilà, je voulais raconter cette histoire. Merci d'avoir partagé. Dis donc. De rien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire.